On va parler de la Ligue de hockey junior du Québec. C'est le début de la Ligue de hockey junior du Québec. Ben, ça a commencé hier soir avec un match dans les Maritimes. Ça ouvre toujours d'ailleurs dans les Maritimes. On en parle avec notre chroniqueur qui va être encore notre chroniqueur cette année. On est très heureux de l'avoir, Yves Bolduc. Salut Yves. Salut Danny. Yves, ça va comme. La manière qu'on va marcher, c'est que avant les fêtes, il y a beaucoup de football, évidemment, la NFL puis tout ça. Fait qu'on va avoir une chronique aux 2 semaines. Puis après les fêtes, à partir du championnat du monde, on va être là toutes les semaines, autrement dit. Là. Ben, il n'y a pas de problème. OK. Yves, je veux te parler de Maxime Comtois, parce que tu as un lien de parenté étroit avec Maxime Comtois. Et tu me disais avant d'entrer en onde qu'il connaît un excellent camp d'entraînement, 6 buts, 4 passes. Tu sais, quand on dit là, qu'en deuxième ronde, les Canadiens, là, les Québécois, là, ben c'est ça. Ben, je veux pas nécessairement parler Il y en a plein, là, Maxime, là. Ouais. C'est certain que c'est connu là, que depuis plusieurs années, le Canadien a délaissé la partie québécoise. Et ils nous vantent toutes sortes de choses, des joueurs américains, des joueurs qui proviennent de l'Ouest. Puis ça nous amène à croire que les Québécois feraient mieux parce qu'on ne le saura jamais, étant donné qu'ils ne prennent pas. C'est le fait que ces joueurs-là ne percent pas plus en bout de ligne. Donc, c'est très difficile là, de faire une évaluation là-dessus. Est-ce que certains joueurs québécois auraient fait mieux que McCarron? Est-ce que certains joueurs auraient fait mieux que bien d'autres qui ont été sélectionnés? Mais ça va rester un mystère parce que le Canadien, au cours des dernières années, là, a été avare dans ses sélections au niveau des Québécois. Ah, regarde, on ne sait pas. C'est sûr que Maxime n'a fait pas encore avec l'équipe. Mais c'est sûr qu'on est bien content comme ici, Samuel Girard, Robert Val. C'est bien mieux d'avoir été repêché par Nashville pour Colorado qu'à Montréal actuellement. C'est pour sa carrière. Hein. Ainsi de suite. C'est ça pour Maxime Comtois, 6 buts 4 passes en 4 matchs. Je veux te parler maintenant. On sait que c'est commencé dans la Ligue de hockey junior du Québec depuis hier. Ça commence toujours ça commence d'ailleurs toujours dans les Maritimes. Et il y avait un match hier. Mais moi, ce qui m'a marqué hier, c'est les prédictions des experts. Il y avait quand même des gars qui connaissent bien ça, Kevin Dubé, Roby Saint-Gelais, Michael Lanassette. C'est quand même 3 personnes qui sont sur le beat de la Ligue de hockey junior du Québec. Ils placent dans la division Ouest les 5 néés derniers, sauf Roby qui, lui, est placé 3e. Moi, j'ai trouvé ça rough un peu. Ben les Saguenayens, effectivement, le classement des gens qui font les prédictions là, a été sévère envers eux. Parce qu'on je pense qu'on sous-estime la brigade défensive des Saguenayens qui sera plus que respectable. Je pense qu'on y va surtout en offensive quand on analyse là, entre autres, l'arrivée d'Andrix Lapierre et de Théo Rochette, qui sont deux jeunes électrisants chez les Saguenayens, mais ils n'auront que 16 ans quand même l'an prochain. Mais répéteront pas les exploits d'Alexis Lafrenière avec l'Océanique l'an dernier. On le verra au cours de la saison. Et dans les buts, ben je pense que le tandem de Boutillier et Schenk, s'ils font le travail, pourrait causer des maux de tête à ceux qui les ont mis derniers. Là. Mais il faut quand même regarder que dans cette section-là, le Bécomo, qui a connu une saison décevante l'an dernier, doit absolument mieux se positionner cette année. Moi, en tout cas, je les ai dans le premier tiers du classement, général. Qui a aucun doute qu'avec Alexis Lafrenière et les joueurs qu'on a ajoutés autour de lui pour l'entourer, l'Océanique connaîtra une bonne saison. Et du côté de Québec, ben même si moi je considère que c'est une équipe qui est en mi-reconstruction, là, l'élément Patrick Roy qui est de retour va causer bien des maux de tête à certaines équipes parce que Patrick, c'est Patrick, puis les joueurs progressent, puis on connaît l'engouement qu'il apporte là, au sein de son équipe. Donc c'est quand même. Donc dans l'Est, toi t'es placé où les Saguenayens? 3e à peu près? Ben, moi, je les mets en milieu de ouais. Peloton. Alors, moi, j'ai fait ça, Danny, si tu veux qu'on fasse ça rapidement. Là, le classement, j'ai fait ça en 3 sections de 6, donc okay. du 12e au 18e. Alors, au dernier rang, là, on devrait retrouver les Sea Dogs de Saint-John qui, pour une deuxième année, là, vont connaître des moments difficiles, mais sont en Les Sea Dogs ont un plan quinquennal pour la prochaine Coupe Memorial qui sera disputée au Québec, là, pas cette année, mais dans 4 ans. Donc, Ils sont déjà sur ce plan-là. Ce sera l'an 2 pour eux. Et je pense que l'avenir là appartiendra à Maxime Kajkovic, Josh Lawrence, Dawson Stairs, ces joueurs-là là, qui se sont greffés là, à un noyau de joueurs qui était déjà existant, William Villeneuve, Jérémy Poirier. et le gardien de but, là, Alex Doriot, qui aura une très grosse saison puisqu'il y aura beaucoup de lancers à faire face. Au 17e rang, ce sera les Cataractes de Shawinigan, okay, qui eux aussi, pour une deuxième saison, là, pour les Cataractes, vont être dans une section qui va être un peu compétitive là, avec Sherbrooke et Drummondville. Donc, pour les Cataractes, là, ça va être difficile. On sait qu'ils ont pris le virage jeunesse là, en donnant le filet là, à deux jeunes. Et puis, en attaque, là, ça va passer par Valentin Nussbaumer, leur premier choix, le Maverick Bourque et Charles Beaudoin. Donc, du côté de Shawinigan, là, on peut difficile. Ensuite, ce sera les Foreurs de Val-d'Or qui, eux également, là, sont dans le processus de reconstruction. C'est qu'ils ont vidé leur formation aux fêtes. Alors, de ce côté-là, là, c'est défensivement que les Foreurs seront un peu plus solides avec David Noël, Félix Boivin. En attaque, il y aura Kozlov et Julien Tessier. Mais vraiment, là, ce sera une année pour prendre de l'expérience là, du côté des Foreurs de Val-d'Or. Au 15e rang, ce sera les champions en titre de la Coupe Memorial, le Titan Acadie Batters. Ou même s'il y en a quelques bons joueurs qui sont de retour, là, je m'attends entre autres dans le cas de Noah Dobson, s'il ne fait pas les Islanders de New York, qui va passer à une autre équipe. Et si vous avez un petit 2$ à gager, là, ça pourrait être ça chez les Saguenay-Chicoutimi, avec tous les choix qu'ils ont échangés, là, ça pourrait être Dobson, la place où ils pourraient sortir. Noah Dobson? Moi, je pense que Noah Dobson, là, ça pourrait être le Gottlieb qui pourrait s'ajouter. Et c'est peut-être ça qui fait penser à Yannick Jean, là, qui aura tout pour mieux performer puis aspirer aux grands honneurs. Au 14e rang, ce sera les Olympiques de Gatineau. C'est pas un endroit qui est habituel pour eux, les Olympiques. C'est toujours une équipe qui performe une première fois dans leur existence là, où ils ont été éliminés en première ronde des séries éliminatoires. Alors, l'entraîneur Éric Landry là, va devoir poursuivre son travail là, au niveau du développement. Ils seront solides devant le filet avec Tristan Bérubé, mais pour le reste, il faudra se fier à des jeunes là, le jeune russe prometteur Yaroslav Likachiov là, qui tentera de faire oublier Vitaly Abramov, mais les souliers seront très lourds à chausser. Là. Du côté de la 13e place, ce sera le Phoenix de Sherbrooke, qui, eux, pensaient bien d'avoir tous les éléments l'an dernier, en tout cas pour au moins faire un bon bout en série. Ils ont au moins franchi la première fois de leur histoire. Mais là, ils ont des pertes importantes au niveau, entre autres, avec Tom. Donc là, ça va reposer sur Samuel Poulin et Patrick Gay. Et là, ils vont tout faire pour espérer que Luke Green connaîtra une saison complète en santé là, du côté des Faucons. Okay. Maintenant, du côté du 12e rang du classement général, on arrive dans le peloton du milieu où justement les Saguenay devraient se positionner. Alors, au 12e rang, ce sera les Tigres de Victoriaville. Ça, c'est une position qui leur est habituelle depuis les trois dernières saisons. Ils ont mais à part l'an dernier où ils ont terminé sixième après avoir mis tous les œufs dans le même panier, là, ils s'enlignaient encore pour ce rang-là. Alors, c'est l'étape de reconstruction. Par contre, en défensive, ils vont demeurer solides là, avec les Dominique Cormier, Jérôme Gravel, Vincent Sévigny et Sean La Rochelle et le jeune gardien là, Tristan Côté-Cazenave qui a eu de la difficulté à prendre sa place parce qu'on a amené un gardien de but de 20 ans au fait, mais reçu une invitation là, des Penguins de Pittsburgh. Alors lui, ce sera son année là, pour démontrer qu'il peut être un gardien de premier plan. Au 11e rang, moi j'ai les Saguenay de Chicoutimi. Assez intéressant de jeunes, mais il faudra voir là, comment ils vont progresser. Je sais qu'Yannick Jean, là, c'est un gars qui s'intéresse beaucoup aux détails, donc ça sera à voir là, si les jeunes pourront progresser aussi vite que Yannick veut le faire. Comment, mais, définitivement, là, Comment tu vois Lapierre et Rochette? Ben, ça va être des gars vedettes, là. Ça, c'est des joueurs vedettes qui vont être surveillés, mais je suis certain que Lapierre et Rochette, là, ça va être deux joueurs d'importance dans la Ligue junior majeure du Québec dans les prochaines années. Alors, cette année, ce sera une année d'adaptation. Est-ce qu'ils pourront le faire rapidement, aussi bien que Lafrenière l'a fait l'an dernier à Rimouski? Ça sera à voir, mais on me dit que ça se pourrait qu'ils sont si loin que ça, là. Et Zachary Boutillier devant les buts, ben ce sera l'élément clé là, qui va Saguenay d'aller chercher quelques victoires supplémentaires qui, à ce moment-là, là, surprendraient les experts. Au 10e rang, c'est les Islanders de Charlottetown qui, eux, ont surpris l'an dernier en se pointant dans le carré d'as en série éliminatoire. Alors, avec Matthew Welsh dans les buts, les défenseurs Pierre-Olivier Joseph et Hunter Drew, ben, l'entraîneur Jim Walton tentera de faire mieux que l'an dernier, mais l'an dernier, on les avait sous-estimés puis ils ont surpris tout le monde. Au 9e rang, ce sera les Remparts de Québec avec Patrick Roy qui fait son retour derrière le banc des Remparts. Mais c'est une équipe, moi, à ma connaissance, là, qui est en semi-reconstruction. Ils ont perdu beaucoup de bons éléments. Et là, avec dans les buts, Derek Baribault, il faudra que Derek Baribault soit à la hauteur des attentes de Patrick Roy. Et on sait qu'il est très, très sévère envers ses gardiens de but. Mm. À l'attaque, ce sera Philippe Kourachev et Alexei Sergeyev, donc deux Européens, là, qui devront prendre... Au 8e rang, une place qui n'est pas nécessairement habituelle pour eux également, c'est l'Armada Blainville-Boisbriand, ouais, avec tout un changement derrière le banc entre Bruce Richardson et Joël Bouchard. Par contre, là, l'Armada, avec le retour de Joël Teasdale aujourd'hui, avec un contrat de 3 ans à poche du Canadien, là, ça va le motiver. Puis c'est un gars qu'on attend depuis longtemps. Par contre, il doit se tenir loin de la clinique. Il a été blessé très souvent là, au cours des 2 dernières saisons. Mais il y a des pertes importantes en attaque du côté de l'Armada. T'as Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain, Drake Patterson. Alors, ça va être difficile, mais je pense que l'élément le plus manquant chez l'Armada, ce sera définitivement Joël Bouchard. Ben ouais. Au 7e rang, les Screaming Eagles du Cap-Breton. Les Screaming Eagles, c'est une drôle de formation. On ne sait jamais à quoi s'attendre vraiment avec eux. Mais là, cette année, ça sera très important parce que l'entraîneur Marc-André Dumont devra quitter au moins un mois et demi à la période des fêtes puisqu'il est entraîneur adjoint d'équipe Canada. Les vétérans, là, Gawanki, McCord, vont prendre ça en main parce que sinon, là, ce sera difficile pour la formation du Cap-Breton. Okay. Et je termine avec les 6 premières positions du classement. En 6e place, ce sera l'équipe qui a ouvert le calendrier régulier hier avec une victoire, les Wildcats de Moncton, qui sont allés battre les champions en titre de la Coupe Memorial hier, le Titan de Caddy Bathurst à domicile. Elle reposera sur Alexander Kovanov, Jeremy McKenna, Mika Sir, en défensive Gabriel Sylvestre, Simon Lecoult. Et l'élément important, c'est que les Wildcats se sont renforcés devant le filet, là, à mon idée, là, en allant chercher le gardien Francis Leclerc chez le Drakkar de Bécomo. Okay. Au 5e rang, ce sera le Drakkar de Bécomo, à moins qu'ils nous fassent la même surprise que l'an dernier puis qu'ils déçoivent au niveau de leur performance. Mais là, cette année, avec Jordan Martel, D'Artagnan Joly, Gabriel Fortier, Roslav Alexiev, je pense qu'ils ont une attaque là, en mesure de dominer là, la section là, dont on parle avec les Saguenayens. Et en défensive, ben, Xavier Bouchard sera définitivement le leader. Et le point d'interrogation, d'après moi, pour le Drakkar, c'est devant le filet où Justin Blanchette et Kyle Jessamine là, essaient de prouver qu'ils peuvent avoir un rôle de numéro 1, mais ils n'ont pas réussi encore en 2 et 3 ans. Donc, ça serait il réussira à prendre la pole là, de ce côté-là. Au 4e rang, les Huskies de Rouyn-Noranda, qui, eux, année après année, là, se pointent là, dans les 4 premières positions. Même le départ de Gilles Bouchard, d'après moi, n'affectera pas cette place-là. Ils sont dans une section là, avec les Olympiques de Gatineau, l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Foreurs de Val-d'Or. Alors, je pense que les Huskies seront en mesure de maintenir leur position. Évidemment, l'attaque, ça reposera sur Raphaël Harvey-Pinard en défensive. Ça, il faudra voir là, si leur défenseur Lauzon peut être en santé, là, parce que l'an dernier, il leur a manqué beaucoup. Mais devant le filet, là, ce sera Samuel Harvey, Zachary Émond qui se partageront le travail. Dans le cas de Samuel Harvey, ça devrait être le meilleur gardien de but de la Ligue junior majeure du Québec. J'espère. Les 3 derniers, ben, l'Océanique de Rimouski sera 3e, selon moi, en raison de la compétitivité de leur section. Alors, ça sera évidemment mené par Alexis Lafrenière, mais on l'a mieux entouré là, cette année avec Jimmy Huntington, Cédric Paré, Dimitri Savkorodny. Et devant le filet, le Colton Ellis qui a surpris tout le monde l'an dernier, qui était même un candidat pour le titre de recrue de l'année. Là. Il a tout approuvé, là, en tout cas, démontré que l'an dernier. Alors, on connaît Serge Beausoleil, là, je ne crois pas qu'il réussit, qu'il manquera son coup là, et qu'il décevra au cours de. Au numéro 2, mon choix, Eh bien, avec la perte de Philippe Zadina, ce sera les Mooseheads d'Halifax. Si jamais Philippe Zadina devait être cédé aux Mooseheads d'Halifax, ce qui est peu probable parce que lui, il a un statut exceptionnel, ce qui fait que son équipe, les Red Wings de Détroit, pourrait le céder à leur club ferme dans la Ligue américaine. Un peu comme Kotkaniemi, là. Exact. Donc, dans ce cas-là, là, c'est difficile pour eux, mais en tout cas, si jamais les Red Wings et Mooseheads d'Halifax, parce qu'ils sont assurés de jouer jusqu'à la fin mai, ben là, ce sera l'équipe de premier rang. Mais pour l'instant, moi, je les mets au deuxième rang. Quand même une bonne attaque là, avec Antoine Morin, Benoît Olivier Groulx, Raphaël Lavoie. Une défensive là très, très solide avec Jared McIsaac, Jockton Cheney, Jake Rigsek et Justin Barron. Et le gardien de but, Alexis Gravel, qui devra démontrer là qu'il est capable d'être solide durant une saison complète devant le filet des Mooseheads pour les conduire au plus haut sommet. Okay. Et au premier rang, ben c'est maintenant l'équipe qui tout le monde regardera de très près, mais ça dépendra également des retours de la Ligue nationale parce que, comme je te mentionnais hors d'onde, là, actuellement, Maxime Pontois connaît un excellent camp avec les Ducks d'Anaheim. C'est la même chose avec Stéphane, avec pas Stéphane, ça c'est son père, mais Nicolas Baudin avec les Voltigeurs de Drummondville. Et Joe Valeno est toujours avec les Red Wings de Détroit qui, eux, ont pris un virage jeunesse. Donc, s'il fallait que ces trois-là partent, c'est sûr que pour l'instant, si ces trois-là reviennent, ben, ce sera l'équipe de l'heure, une attaque dévastatrice là avec Comtois, Joe Valeno, Nicolas Guy, Nicolas Baudin en défensive et le gardien Olivier Rodrigue. Je pense qu'ils n'ont pas de faiblesse actuellement, puis ils sont en quête d'un joueur de 20 ans stable, là, même s'ils ont acquis aujourd'hui Gregor McLeod des Remparts de Québec. Je suis certain là, que c'est fixé encore au niveau du troisième joueur de 20 ans. OK. Donc, ça fait pas mal... Mais l'atelier d'année chez les Voltigeurs de Drummondville et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'entraîneur-chef Steve Hartley sera capable de mener cette équipe-là au championnat, lui qui ira passer d'adjoint à entraîneur-chef dans la même équipe, ce que peu réussissent. Ben, c'est ça, parce que normalement, les adjoints sont vus comme les chums des joueurs. Ben, c'est ça. C'est peu importe. L'an passé, il donnait des tapes dans le dos, puis l'an prochain, il va donner des coups de pied dans le derrière. Fait que ça va être très intéressant. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On s'en reparle dans deux semaines, Yves. Oui, pas de problème, Danny. Donc, notre collaborateur Yves Bolduc pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec.